Ambassadeur, ministre, témoin, quelle que soit la mission que nous exercions, nous ne sommes jamais que des serviteurs. D'ailleurs, dans le monde, les ambassadeurs et les ministres sont appelés les grands serviteurs de l'État. L'apôtre Paul, vaillant ambassadeur de Jésus-Christ, ministre zélé de la Nouvelle Alliance et fidèle témoin de l'Évangile, demande bien Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. En acceptant d'être serviteurs, nous ne faisons que suivre l'exemple de notre divin Maître, qui a dit lui-même qu'il était venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Ce que confirme l'apôtre Paul quand il nous invite à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Certains voudraient bien servir le Seigneur, mais à condition d'être tout de suite nommés directeurs. Certes, dans une société, il faut une autorité, qu'elle ait ou non le titre directorial, mais tout le monde ne peut pas être directeur. D'ailleurs, quelle que soit la position hiérarchique, l'important n'est pas le titre, mais le service. Et pour éviter que quiconque ne se prenne trop au sérieux, le Seigneur a dit à ses disciples: Que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Luc chapitre 22, verset 26. Tout le monde ne peut pas être fondateur de mission, professeur d'école biblique ou prédicateur. L'important est d'être à la place où Dieu veut que nous le servions, d'être à sa disposition. Spurgeon fut un grand prédicateur de l'Évangile en Angleterre au siècle dernier. Par son ministère, des milliers de personnes sont parvenues à la foi en Jésus-Christ. Mais qui a mieux servi le Seigneur? Spurgeon ou celui qui a fait connaître l'Évangile à Spurgeon? Pour son service, le Seigneur a autant besoin de prédicateurs que de secrétaires, de cuisinières, de femmes de ménage ou de retraités. Les tâches les plus humbles ont du prix à ses yeux. Nous formons tous un seul corps. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Et pour qu'aucun prédicateur ne tire fierté de sa prédication, l'Écriture déclare: Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains chapitre 10, verset 15. Il n'est pas dit: Quelle est belle la prestance, quelles sont belles les paroles, mais qu'ils sont beaux les pieds. Voilà qui nous incite à la modestie. L'Écriture, qui nous dit par ailleurs que nul ne peut servir deux maîtres, nous invite à servir le Seigneur et lui seul, fidèlement, de tout notre cœur, d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, en toute humilité et avec joie. Elle ajoute: Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. 2 Timothée chapitre 2, verset 24. Pas de querelle entre les serviteurs, bien sûr, mais pas de querelle non plus avec ceux que nous cherchons à convaincre. C'est pourquoi l'apôtre Paul recommande de repousser les discussions folles et inutiles, les disputes de mots, les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science, toutes choses qui justement font naître des querelles. Il est à remarquer que ces conseils s'adressaient à Timothée, jeune serviteur de Dieu et compagnon de travail de l'apôtre. Dans l'enthousiasme de la jeunesse, certains pourraient se laisser tenter par la discussion en espérant que de la discussion jaillira la lumière. Mais c'est justement l'écueil à éviter. Le serviteur du Seigneur, selon le modèle de l'Écriture, doit être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. 2 Timothée chapitre 2, versets 24 et 25. Une autre qualité du serviteur est de se faire tout à tous, comme le déclarait l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22. de s'adapter à chaque cas, autrement dit, de savoir communiquer. Jésus n'a pas employé avec Nicodème le même langage qu'avec le jeune homme riche ou la femme samaritaine, mais dans tous ses entretiens, il a su apporter les paroles appropriées, le message essentiel qui convenait à chaque cas. Puissions-nous suivre son exemple, car notre message n'aura d'impact que dans la mesure où il répondra aux attentes, aux préoccupations de nos interlocuteurs. Que le Seigneur nous apprenne donc à communiquer avec nos semblables et à leur dispenser droitement sa parole, la parole de vérité, qui seule peut répondre aux besoins de tous les hommes, sans distinction de race, de culture ou de confession. Un ancien ministre de la République française a fait un jour cette navrante constatation, je cite, « Toute une jeunesse désemparée cherche à nouveau Jésus dans la pop-musique, faute de le trouver dans une église où l'on parle de plus en plus des hommes et de moins en moins de Dieu. » Fin de citation. Jeune homme, jeune fille, c'est dans la Bible que vous trouverez Jésus-Christ. Ne perdez pas votre temps à le chercher ailleurs. Pour décrire le profil du serviteur, nous avons surtout laissé s'exprimer les Écritures. Un texte biblique approprié vaut en effet mieux que de longues phrases, et aucune explication ne peut mieux que la parole inspirée de Dieu enseigner, convaincre et corriger pour que le serviteur soit propre au service que le Seigneur veut lui confier. Mais pour être serviteur du Seigneur, il faut avant tout être son disciple. Et nul ne peut être disciple du Seigneur avant d'être passé par ce que l'Écriture appelle la nouvelle naissance. Jésus l'a clairement expliqué à Nicodème, ce pharisien, chef des Juifs, qui était venu s'entretenir avec lui de nuit. Le titre de docteur de la loi ne suffisait pas à faire de Nicodème un serviteur de Dieu. Il lui fallait avant tout naître de nouveau, c'est-à-dire naître à la vie divine. Et comment cela peut-il se faire? Tout simplement en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Avant de conclure, je vous invite à vous placer devant le Seigneur et à l'accepter comme Sauveur. Né à la vie divine par la foi en Jésus-Christ, vous pourrez alors être son disciple. Comme disciples, nous sommes exhortés à demeurer dans sa parole et à nous aimer les uns les autres. Ce sont là deux signes qui permettent de reconnaître les vrais disciples de Jésus-Christ. À ce propos, certains ne voient en Jésus que celui qui a dit « Aimez-vous les uns les autres » Jean chapitre 13, verset 34. Et ils en concluent que le Christ était un excellent moraliste. Mais à qui Jésus a-t-il dit « Aimez-vous les uns les autres » À ses disciples, et non pas à n'importe qui. Aux autres, il a dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle » Marc chapitre 1, verset 15. Mais cette invitation à la repentance dérange la conscience humaine alors que le message d'amour flatte sa sensibilité. Cependant, il est impossible d'aimer les autres avant d'avoir reçu en soi l'esprit de celui qui a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et cet esprit nous est donné lorsque nous devenons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Puissiez-vous être nombreux à suivre ce parcours, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, témoin de sa grâce, ministre de son alliance, ambassadeur de la réconciliation et dans tous les cas, bon et fidèle serviteur auquel le Seigneur pourra dire un jour « C'est bien, entre dans la joie de ton maître » Matthieu chapitre 25, verset 23. C'est là notre vœu, chers auditeurs, et que Dieu vous bénisse.